À l'occasion des 45 ans de la publication de l'historique déclaration commune du 4 juillet, un écrit est inséré dans un site internet au nom commun du Cercle britannique d'études des idées du Tutsi, de l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et du Comité de solidarité britannique pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne. L'auteur a souligné que prévenir la guerre et réaliser la réunification dans la péninsule coréenne est l'impératif de l'époque contemporaine et que tous les peuples progressistes du monde sont appelés à soutenir le mouvement du peuple coréen pour l'unité nationale et à étendre à l'échelle mondiale la lutte contre la politique d'hostilité des États-Unis envers la Corée.